Peux-tu chanter simplement pour chanter? Peux-tu? Compose une belle, belle musique, écris-la, quand t'es faite, réécoute-la une dernière fois, puis détruis-la. Tu seras puissant, mon ami. Donne-la à autrui, tu ne peux plus la détruire. J'écris un roman génial. Je l'ai écrit pour exprimer mon énergie. Mais là, je vais me faire avancer par l'astral collectif, hein. Ouais, mais c'est très bon que les gens le lisent. Tu pourrais faire quelques scènes avec. Ça serait, tu l'as-tu fait pour ça ou non? Si tu l'as fait pour le publier, publie. Si tu l'as fait pour écrire au cas qu'on verra après, détruis. Si tu le publies, une fois que c'est publié, tu peux plus le détruire. T'es fait. Tu viens de mettre de l'énergie là pendant un laps de temps et maintenant c'est envoyé. Détruis ton manuscrit, il est tiré à combien d'exemples? Ce n'est pas justement échanger de l'énergie parce que tu vas recevoir quelque chose en... Les écrivains ne vivent pas, les chanteurs ne vivent pas, les artistes ne vivent pas. Il est où le retour d'énergie? À part quelques-uns, oui. Il est où le retour d'énergie? On peut le chercher. Mais pour l'ingénieur? Non. L'ingénieur, c'est la même chose. L'ingénieur, il va vivre, il fonctionne. Non. Mais est-ce qu'il vit heureux? Est-ce qu'il vit libéré? Est-ce qu'il est libéré de manipulation? Est-ce qu'il sait ce qu'il fait de la planète? Est-ce qu'il est en santé? Est-ce qu'il vieillit comme tout le monde? Est-ce que c'est normal, sa dégénérescence? Ou s'il devient anormal? En santé. Tu crées des choses de temps en temps, et ça, c'est de l'art. Tu dois créer, le gars qui pense trop ou la fille qui pense trop, c'est la même chose. De temps en temps, créer des choses d'art. L'art, c'est volumineux, l'art. Vous faites bien des choses de l'art. Mais tu places dans la matière de l'émotion, de l'énergie. Et lorsque c'est fait, conserve. Et lorsque tu auras besoin d'un coup de pouce, il faut faire attention. La personne qui rentre, qui est écœurée de sa maudite maison, qui m'a tout cassé, elle n'a pas compris. Elle ne pourra pas faire d'auto-exorcisme parce qu'elle détruit tout par manipulation. Qu'est-ce qu'on lui force à faire? On la force à jeter tous ses canalisateurs d'énergie, tous ses condensateurs d'énergie, aux poubelles, de façon à ce qu'elle ne puisse pas s'en servir. Et elle va repartir encore plus bas. L'humain doit être conscient. Content et... En d'autres termes, ça veut dire que si on a une batch de guenilles, il faut les garder pendant un bout de temps. Puis là, t'en prends un bout. Si t'as une batch de guenilles, ça fait déjà un bout de temps de garde. Oui, mais tu vides pas tout d'un coup, c'est ça que je veux dire. Tu ne vides pas tout d'un coup et tu dois regarder chaque objet avant. Un exemple. Ta femme, elle a des vieilles guenilles. Ça vient des robes de France depuis, bon... Il y a deux, trois trous, t'es, puis bon. À un moment donné, si elle a écouté la conférence, ou si tu lui as expliqué, ou ben non, si elle donnait la cassette en cadeau, en faisant un coup de cochon, bon. À un moment donné, ben là, tu prends, tu mets ton dos dans le trou, dis, hey, c'est plus beau, ça. Regardez comment elle va se sentir là. Tu détruis, oui, ben c'est ça. Ben ça, c'est l'aider. Lady. Check tes chemises après. C'est sûr. Mais là, faut qu'elle soit un peu dans le jeu, pour qu'elle comprenne un peu. Mais à un moment donné, tu aides un petit peu. Moi, j'ai fait ça souvent, j'ai donné des cours de judo à des petits jeunes. Et à un moment donné, il y en a, les kimonos sont toutes défaites. C'est la ville de Montréal-Nord, vendez pas ce cher, les kimonos. Mais là, on était le vieux kimono. On faisait un combat avec eux autres, hein. Pour le déchirer à tout. En combat, ça arrive. C'est correct. Il y a plein de petits trucs, mais c'est dans l'art, dans la matière. Qu'est-ce que c'est que de l'art, sinon de la matière transformée par l'émotion de l'homme? Mets ça là. Mais sache que tu ne dois pas t'attacher à la chose ni à la forme. La matière, c'est de la matière. Il y aura toujours suffisamment de matière pour te permettre de recommencer. Ouais. Lui-même veut pas recommencer, lui-même veut conserver ce qu'il a fait. J'allais dire, ça nous force à faire circuler l'énergie. Tu sais que la matière que tu as créée, elle t'aime autant que tu l'aimes. C'est ce qui t'en rend esclave. Mm-hmm. Tu l'aimes trop, sépare, détruis. Pourquoi certains... Mais l'humain ne veut pas s'en sortir, hein? Pourquoi certains psychotiques ne répondent pas à la médication, même s'ils ont des doses de cheval? Devraient-ils être démédicamentés? Devrait-on les isoler dans des endroits sécuritaires, exemple cellules capitonnées, et leur permettre de faire une profonde colère? Peuvent-ils se libérer eux-mêmes ainsi? La majorité ne pourront pas se libérer eux-mêmes. Je dis la majorité. Il y en a qui le pourront.

La personne, lorsqu'elle s'en va le premier soir, c'est évident qu'elle, certains sont un petit peu perdus. Pas parce que, oui, mais c'est pas qu'ils se rappellent pas de ce qui s'est dit dans le criminel. La majorité s'en rappelle pas. Ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est qu'ils s'en vont de l'énergie. Et la deuxième journée, c'est plus facile. Mais là, on embrasse de marbre. Mais c'est plus facile. Ils ont plus d'énergie. C'est plus facile. Ils l'ont assimilé pendant la nuit. L'individu a des concepts, l'individu a des croyances, l'individu pense que ceci est comme ça, puis à un moment donné, ben il découvre, il comprend. Parce qu'il apprend rien, il comprend. Si qu'est-ce qu'il apprend, il brise aucune bulle. S'il comprend, c'est ça. De temps en temps, il y en a qui ont des petits problèmes, ça se place. C'est le début de la colère mentale. Juste quand on s'amuse à expliquer aux gens, quand je m'amuse à dire aux gens, oui, tu vois ce que tu viens de dire là, comment dans ça, c'est con. Je parle contre toi. Chaque fois que les humains ouvrent la trappe, ils parlent contre eux autres. C'est absolument effarant comment qu'on peut arriver à voir une race aussi intelligente, aussi parfaite, accepter d'être aussi manipulée. Ou s'autodétruire. Elle ne s'autodétruit pas, elle continue à évoluer, mais d'une façon collective, et on est rendu dans un air où des individus doivent se réveiller individuellement. Donc, un air où des individus doivent rentrer en contact avec leur propre intelligence. Un air où l'individu doit se libérer des maîtres, des gourous, des prêtres, des dieux, des archanges, des anges et toutes les hiérarchies. Un air où l'homme doit évoluer non plus en rampant, mais debout. On est rendu à un air où l'humain va se réveiller. Tous les humains, non. Ça va prendre quelques années avant que l'humanité collectivement puisse avoir des corps pour pouvoir se réveiller. Ça va prendre encore quelques milliers d'années, mais c'est quand même une chose vite faite. Sauf qu'il y a des humains présentement qui sont au seuil de s'ouvrir. Et il en faut. Il en faut pour eux. Nécessairement, ils instruiront le monde de la mort que ça se fait. Instruiront le monde de la mort que ça se fait. Ceux-ci ne pourront pas faire autrement que d'instruire l'humain que ça se fait. Alors l'humain, lentement, l'humain partout sa planète, l'humain n'importe où, même celui qu'on verra jamais, à un moment donné, il se réveille un matin et il me dit, « Tant qu'on n'est pas de la marde. » Il y en a un qui vient de passer dans le monde de la mort. Le monde de la mort est au courant. Lorsque le gars va prier son Dieu, il va avoir une nouvelle réponse qu'il n'aura jamais eue. C'est normal. Parce qu'il aura maintenant une nouvelle trace dans la mémoire astrale, dans le monde de la mort. Il y en a un qui se réveille, il a mangé de la marde. Il y en a un deuxième, c'est plus facile, mais il a souffert. Il y en a un troisième, c'est plus facile, mais il a souffert. Il y en a 15. Et le 16e, ça commence à être facile. Parce que l'astral est au courant, sous ce mot, on le libère. Et à un moment donné, il y en a 100, il y en a 200, il y en a 300, il y en a 3000, c'est de plus en plus facile. Jusqu'au jour où ça va se faire de plus en plus rapidement, de plus en plus vite et de plus en plus facile. Et c'est de plus en plus ordinaire. Oui. Certains vont dire, ben moi, je peux rester, je peux-tu attendre que ce soit bien facile? Oui, la seule chose qu'il y a, c'est que l'évolution n'est pas entre les mains de l'homme. C'est que si vous voulez attendre ce que vous n'avez pas à attendre, c'est votre génétique, et vous allez vous faire charrier. Et vous allez traverser ce que vous avez traversé. Sauf qu'on peut faciliter les choses. De toute façon, juste le fait d'être ici à soir, juste le fait de se poser des questions qu'on se pose, juste le fait d'être partout ailleurs, c'est déjà trop tard. Il y a du monde qui vont se réveiller. On fait un sprint. OK, vas-y. Pose-le vite, me réponds lentement. Plus j'évolue et je comprends des choses, moins je me pose de questions dont les réponses me seraient utiles. Comment expliquer ce phénomène? Parce que la personne n'a pas suffisamment développé son langage, elle n'a pas suffisamment développé sa parole, et aussi parce qu'elle vit un phénomène d'ennui de l'évolution, c'est-à-dire qu'elle manque d'énergie. Elle ne peut pas légiférer sur l'intelligence de continuer à poser des questions dont la réponse serait utile. Autrement dit, la personne vit une récupération astrale qui l'oblige à attendre. Lorsque cela m'est arrivé, j'ai décidé de commencer à faire des conférences. On va me les poser des questions. Puis là, on est obligé de répondre. Ce n'est pas le chemin de tout le monde, mais la personne, elle vit cela présentement et elle doit s'arranger pour, si elle ne peut pas poser des questions, elle doit poser la question-réponse. Elle doit apprendre à s'émerveiller en oubliant ce qu'elle voit d'émerveillement. Alors, elle observe quelque chose, c'est extraordinaire, puis elle l'oublie. C'est la question-réponse. Au minimum, faut qu'elle fasse cela. Sinon, faut qu'elle pose des questions. Et le gros danger de commencer à faire des conférences ou de rencontrer des gens, posez-moi des questions, c'est qu'à un moment donné, on peut se prendre pour un maître. Pas être son seul maître, être le maître des autres. Il n'y a rien de plus con que de gaspiller toute son énergie comme ça. Qu'arrive-t-il, énergétiquement parlant, si lors d'un auto-exorcisme,

une désillusion. Alors, on est timide. Et ça, même si mentalement on le comprend, l'ego est programmé, l'humain est manipulé. Ça peut se changer. Ça peut se changer comment? L'auto-exorcisme, c'est un coup violent qui peut changer cela. Ça peut se changer par l'exorcisme là, la programmation, l'auto-hypnose, enfin l'auto-programmation, la suggestion, le positivisme. Mais c'est long, c'est long, c'est long. Être positif. Est-ce que l'on peut se réaliser à vivre solitaire? Tout se peut. Comment sortir nos traumatismes inscrits durant l'enfance? Les traumatismes inscrits durant l'enfance appartiennent à l'enfant qui vous habite. Ils n'appartiennent pas à l'adulte qui contient l'enfant. Parce qu'on s'identifie toujours aux mémoires de ce qu'apparemment nous avons été, on reste convaincu que ces traumatismes nous appartiennent. Éduquer l'enfant chez soi, c'est régler ces traumatismes. L'auto-exorcisme est aussi une façon, mais l'être humain est toujours un peu un enfant. Il doit se donner quelques récompenses de temps en temps. Ce n'est pas à lésiner. Mais il doit être le maître. C'est lui qui doit décider quand il mange son cornet et quand il ne le mange pas. Que veut dire l'affirmation « Si vous êtes deux ou plus réunis en mon nom, je serai au milieu de vous. » Le nom du Nazaréen, le nom du... Il faut faire attention. Premièrement, il y a le nom de Jésus, il y a le nom du Christ, il y a le nom de Jésus-Christ et il y a le nom du Nazaréen. Le Nazaréen a toujours été respecté par ses meilleurs amis et il se faisait appeler le Nazaréen. Et c'est d'ailleurs son nom ésotérique, le nom occulte. Christ ou le Christ est le nom de la religion catholique. Jésus est le nom des avatars, c'est le nom de l'enfant qui a reçu le contact. Jésus-Christ, c'est aussi un nom catholique qui accepte d'associer l'homme, Dieu. Là où deux, plus d'énergie, ou plusieurs, plus d'énergie, seraient réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Cela veut simplement dire que lorsque plusieurs individus à l'époque, et c'est encore comme ça aujourd'hui, se réunissent dans une idée particulière, avec le nom, en mon nom. Le nom est la clé qui permet d'ouvrir les vannes de l'énergie du monde de la mort, du ciel. Alors, nécessairement, si vous êtes réunis en mon nom, disait le Nazaréen, en mon nom, l'énergie, ma mémoire, que j'aurai laissée dans le monde de la mort, sera nécessairement chez vous. Elle coulera à flot. D'où l'importance de la répétition de la messe, qui est un repas. La messe, c'est un repas. C'est pas quand tu te lèves, tu te décroches à genoux ou debout maintenant, ou te mettre sous la langue, ou te prendre avec la mère, ramasser un goût d'hostie. C'est un repas. Mais on peut changer la tradition puis aller chercher un hostie. C'est la même chose. À l'instant où la collectivité l'accepte. En mon nom, nécessairement, si vous refaites les mêmes choses, vous vous rappellerez, vous ouvrirez les vannes et vous aurez l'énergie. Mais ce n'est pas l'énergie christique. C'est l'énergie mémorielle du Nazaréen. Elle va nourrir l'individu. Elle va ouvrir l'individu. On a eu des saints, des êtres humains qui se sont ouverts beaucoup plus dans notre religion que dans celle des autres. Mais c'est normal, parce que le Nazaréen était le plus puissant. Alors, que veut dire l'affirmation? Si vous êtes deux ou plusieurs et une en mon nom, je serai au milieu de vous. C'est la mémoire, évidemment. C'est pas comment expliquer ça lui-même. Mais c'est pas l'énergie christique qui vient. C'est la mémoire du Nazaréen qui descend. C'est extraordinaire, c'est parfait. Mais un jour, vous devrez être capable d'être seul et de recevoir votre énergie. Je n'ai rien contre celle du Nazaréen, mais c'est encore un petit peu une béquille. Marchez à côté de celle du Nazaréen et présentez-lui la vôtre. Il y aura un ami. Marchez avec la sienne, il y aura un disciple. Puis le maître qui a des disciples est nécessairement un esclave. Un maître lucide ne recherche pas de disciple. Comment faire pour combattre le mal en nous? Il me semble toujours qu'il y a quelqu'un qui me dit de ne pas faire des choses intentionnelles plus souvent mal que bien. Est-ce une sorte de possession? Une sorte de possession, oui, l'humain est possédé, l'humain veut évoluer, en même temps l'humain veut dormir, en même temps l'humain veut la matière, en même temps l'humain c'est cœur de la matière, l'humain veut aimer, il fait la guerre, oh, c'est pas, bref, l'humain est possédé, oui. Bon, comment régler ces choses? Premièrement, ne pas penser que c'est nous autres qui faisons cela. On est responsable et on n'est pas coupable. L'auto-exorcisme est une chose. Ce soir, cette question-là ici, elle se réglera en temps et lieu. Toutes les choses ne sont pas réglées dans une exclusive conférence. Il y a d'autres choses. La vie, elle est là pour une chose. Former l'humain. Alors, la vie répondra bien à la personne. Peut-on dire que exorciser, c'est démystifier? Peut-on dire que maintenant, c'est la médecine qui pratique l'exorcisme au lieu de l'Église? Oui, jusqu'au jour où l'Église a eu peur, elle a légué ça à la médecine. Maintenant que la médecine a peur, il faudra que l'humain se prenne en main. Attendez pas des coups pour ça. Quand tu rencontres un médecin et qu'il te dit lui-même que s'il lui arrive quoi que ce soit, il n'ira jamais voir le médecin. Et on parle. Est-ce qu'il y a une matière de se garder assez d'énergie lorsque l'on élève des enfants qui nous répondent souvent en nous blessant et en têtant notre énergie? Il y a bien des choses au niveau de l'enfant, au niveau de la femme, de la famille, qui ne peut pas être encore, disons, compréhensibles par la majorité, parce qu'ils sont trop assujettis au phénomène émotif. L'enfant nécessairement accepte de l'énergie. La meilleure façon de s'en sortir est de placer suffisamment d'énergie dans l'enfant, de s'arranger à son insu pour aller la lui tester. L'enfant se sent bien, les parents se sentent bien. Mais les parents voulant souvent trop bien faire, en réalité, c'est une médecine des manipulations. Les parents font ce qu'ils peuvent, évidemment, mais manipuler. L'enfant est aussi manipulé, ce qui fait que ce n'est pas long que celui qui évolue le plus, c'est le parent. On s'arrange, évidemment, pour le brasser, le stagner un peu. L'enfant va s'en occuper, à l'insu de l'enfant. Alors que l'on élève des enfants qui nous répondent souvent en nous blessant, faites attention. S'ils nous répondent en nous blessant, c'est parce que l'on s'attend d'eux un retour d'énergie. Et ce qu'il nous donne n'est pas ce que l'on attend. L'enfant a le droit d'être ce qu'il est. Il a le droit de répondre comme il veut répondre, et il a le droit de faire ce qu'il veut faire. Mais une chose que vous devez savoir, c'est que l'adulte a aussi le droit de faire ce qu'il veut faire, et il a aussi le droit de répondre comme il veut répondre. Et lorsque la guerre sera juste, une harmonie apparaîtra. On appelle cela l'équilibre des forces. L'enfant ne peut pas être élevé, il peut être éduqué. Personne va peut-être dire ce qu'il voulait dire, mais on parle, on écrit comme l'on pense, inconsciemment ou consciemment. Et élever un enfant qui le moindrement devient intelligent, c'est travailler contre soi. L'éduquer, c'est s'éduquer. Ce que je lui demande de faire, je dois le faire. Un fait doit être établi. J'ai fait plusieurs conférences sur l'éducation de l'enfant nouveau. Depuis 75, la majorité le sont. Il y en a qui le sont, mais qui sont nés avant. C'est assez compliqué. Dernièrement, j'ai même rencontré une commission scolaire au complet, avec tous les professeurs de la maternelle à la 6e année, pour justement expliquer comment on travaille avec les enfants. Et je vous assure que c'est dur à faire comprendre à un adulte que l'enfant, c'est quelqu'un. Et parce qu'on ne le conçoit pas, on s'attend à ce qu'il nous réponde de telle ou telle façon. On a un stéréotype, et c'est dangereux. Je mets de l'énergie dans mes enfants, et je m'arrange pour qu'il me la redonne. Manipulation hypocrite, oui. Ça plaît à l'enfant et ça me plaît à moi. On ne se chicane pas et on est heureux. Comment ça se fait? Ça se fait trop. La potion magique qu'un druide préparait était-elle magique à cause de sa longue préparation, du rituel, des invocations, etc.? Peut-il en être de même avec notre sauce à spaghetti? Exactement. Pourquoi l'hostie fonctionne-t-elle au niveau de l'Église catholique? Parce qu'elle est préparée par n'importe qui. Elle est par la suite bénie par le prêtre et on la respecte à partir de ce moment donné-là. Elle passe un laps de temps. Ça se faisait juste dernièrement, quoi. Elle avait un effet. Et pendant les prêtres, elle a encore énormément d'effets. Un eau, de l'eau, c'est quoi de l'eau? Mettez ça dans un pot d'eau puis laissez-la là, pourrir. De l'eau bénite, convenablement bénite, ne pourrit pas. La personne, lorsque le druide prépare sa potion, il doit mettre des ingrédients qui absorbent de l'énergie et des ingrédients qui traditionnellement font forme de symboles. D'autres druides, des milliers d'années auparavant, ont aussi fait la même chose. Alors, il y a l'égrégore des druides qui est créé. Et l'égrégore des druides est capable de se libérer dans la potion si elle est faite selon le rituel par une personne qui a une forme d'autorité. La sauce spaghetti, c'est la même chose, mais on risque plus de devenir italien que druide. À cause de la tradition reliée à la sauce. Mais c'est le même principe. Tu devrais créer de nouvelles recettes. Eh oui, ça va de soi. On dit du monde astral qu'il y a une fonction tant que l'individu sera prisonnier de la gravité terrestre. Ce plan est temporel et sera éventuellement obligé d'aller évoluer ailleurs. Question. Ce plan n'est-il pas nourri par l'homme? Si oui, où pourrait-il bien aller si l'homme fusionne? Ce plan va être emporté par l'homme. La semaine prochaine, l'ennui, c'est-à-dire comment se supporter soi-même. C'est un peu une suite. Alors, ennuyez-vous pas d'ici ce temps-là, puis ennuyez-vous surtout pas vendredi prochain. Bonne semaine! Merci, Daniel.